Section 8. Chapitre 10. Chapitre 11. Chapitre 10. La veillée. 20 ans de plus pèsent un poids bien lourd sur la tête d'un homme. Mais, pour l'ensemble des choses créées, mis à part l'homme lui-même, c'est-à-dire pour la portion la plus grande, la plus durable, la plus vivante de la nature, 20 ans passent comme un souffle de brise qui effleure et n'entame point. 20 ans écoulés ont rendu méconnaissables les personnages de notre récit. L'enfant s'est fait homme, l'homme est devenu vieillard, le vieillard a cessé de vivre. Mais le beau château de la Tremblay s'élève toujours, droit et robuste, au bout de son avenue de grands chênes. Si quelques arbres sont morts dans la forêt, d'autres jaillissent du sol et s'élancent, pleins de sève, vers le beau soleil qui chauffe la voûte de feuillage. La fosse au loup a gardé ses sombres ombrages et le chêne creux soutient vaillamment le pesant fardeau de ses branches colossales. Les deux moulins chancellent et menacent ruine, comme autrefois, mais c'est à peine si l'on aperçoit que la pauvre loge de Mathieu Blanc s'est affaissée au ras du sol, tant le détail est mince et peu digne d'attention. Quant à l'étang de la Tremblay, ce sont toujours les mêmes eaux dormantes et la même moisson de roseaux sous lesquels blanchissent, dans la vase, les ossements de loup, le fidèle chien de Nicolas Tremble. Nous sommes à l'automne de l'année 1740. Il y a veillé dans les cuisines de M. Hervé de Vaunoy de la Tremblay, seigneur de Bouexy, en forêt. La cuisine est une grande pièce carrée, percée de 4 fenêtres hautes. Une porte de chêne garnie de fer ouvre ses 2 battants vis-à-vis de la vaste cheminée dont le manteau, en forme de toiture, peut abriter une compagnie raisonnablement nombreuse. 5 ou 6 bûches brûlent dans l'âtre et mêlent leur rouge lumière à la lueur crépitante de 2 résines. Sur la table massive qui occupe le milieu de la pièce, une rangée de pichets, cruches, méthodiquement alignées, exhale une bonne odeur de cidre pur. Des pommes de terre rôtissent sous les cendres et 1/2 douzaine de quartiers de lard montrent des 2 côtés de la crémaillère leurs couannes recouvertes de suie. Nous faisons grâce au lecteur des fourneaux, casseroles, cuillères à peau, marmites, écumoires, etc. Il y a 15 de personnes assises sous le manteau de la cheminée. La plupart sont serviteurs ou servantes de Vaunoy. 2 ou 3 sont étrangères et reçoivent l'hospitalité. Pour ne point faire défaut à la galanterie française, nous parlerons d'abord des femmes. Sur cette escabelle à 3 pieds et si près du feu que la pointe de ses sabots se charbonne, est assise la dame Gothon-Réoux, femme de charge de la Tremblay. Elle fut, si l'on en croit la chronique de la forêt, une joyeuse commère. Mais cela date de 40 ans et, à l'heure qu'il est, elle fume une pipe courte noircie par un long usage avec toute la gravité qui convient à une personne de son importance. Auprès d'elle, et s'éloignant graduellement du foyer, siègent les servantes du château. La fille de basse-cour, la pigeonnière, la trayeuse de vaches, et même la femme de chambre de Mademoiselle Alix de Vaunoy. Cette dernière déroge sans nul doute en semblable compagnie, mais il faut tuer le temps. De l'autre côté de la cheminée sont rangés les garçons. C'est d'abord André, le garde, Simonet, le maître du pressoir, Corentin, l'homme de la charrue, et beaucoup d'autres encore dont l'énumération serait longue et superflue. Dans l'âtre même, et juste en face de la dame Gothon-Réoux, est assis un homme de la forêt, hôte de la Tremblay pour 2 heures. Cet homme mérite une description particulière. Il est charbonnier, cela se voit. Une couche épaisse de noir couvre son visage et s'éclaircit seulement quelque peu aux angles saillants de la face, comme il arrive au masque de bronze. Ses yeux, dont la paupière est enflammée, semblent craindre l'éclat ardent du foyer et s'abritent derrière sa main noircie, du reste vêtu comme les gens de la forêt. Bonnet de laine mêlée, veste longue, en forme de paletot échancré, culotte courte, bas bleus et souliers à boucles de fer. Il est de taille problématique. Assis, il semble petit, mais lorsqu'il se lève pour saisir un pichet et boire à même, ses longues jambes l'exhaussent tout à coup. Dans l'attitude de son corps, il y a plus de souplesse que de force. Quant à son âge, nul ne saurait le dire. Depuis 15 ans, le charbonnier Pélo Rouen court la forêt. Tel on l'a vu la première fois, tel on le voit encore. Nos personnages ainsi posés, nous écouterons leur conversation, car nous sommes fort dépaysés dans ce château où nous n'avons pas mis le pied depuis 20 ans. Renée, la fille de chambre de mademoiselle Alix de Vaunois, cause avec Yvon, le valet des chiens, lequel raccommode son fouet et tresse une courtisse, mèche, que Miraud, Gerfaut, Renaud, etc. sentiront plus d'une fois sur leur flanc savamment amaigri. André le garde frotte d'huile le ressort de son fusil à pierre. Corentin taille un battoir pour Anne, la surintendante des vaches. L'entretien n'a rien encore de général. Mais 6 heures ont sonné à la cloche fêlée du beffroi. Le vieux Simonet, maître du pressoir, a récité dévotement les versets de l'Angélus. Un silence de quelques minutes s'est fait, pendant lequel tout le monde a prié. Quand ce silence eut duré suffisamment à son gré, Dame Gothon fit un signe de croix finale et secoua les cendres de sa pipe avec précaution. « Les jours s'en vont petit sang, » dit-elle. Chacun reconnut implicitement la justesse infinie de cette observation. « Vienne la fin du mois, » poursuivit la vieille femme de charge, « et nous aurons la résine allumée pour dire l'Angélus le matin et le soir. » « Ça, c'est la vérité, » appuya Simonet. Et tous répétèrent avec conviction, « Les jours s'en vont, petit sang, c'est la vérité. » Dame Gothon savoura un instant l'approbation générale. « Maître Simonet, » reprit-elle ensuite, « si c'est un effet de votre complaisance, passez-moi le pichet, ma pauvre langue brûle. » Au lieu d'un pichet, on en passa 10, et tout le monde s'abreuva copieusement. « Fameux et droit en goût !» s'écria la vieille femme, en promenant voluptueusement sa langue sur ses lèvres après avoir bu. « Tout ce qu'on peut demander, c'est que le cidre de l'automne qui vient vaille celui de l'autre année, pas vrai ?» C'était là encore une de ces propositions dont le succès n'est point douteux. Tout le monde répondit affirmativement, et le maître du pressoir but un second coup pour prouver la sincérité de son opinion. « Quant à ce qui est de l'an prochain, dit-il, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il chera bien du bois mort dans la forêt d'ici l'autre automne. D'ici l'autre automne, bien de l'eau passera sous le pont de Noyal, et notre monsieur dit que le temps qui court est un temps de péril. » René cessa de causer avec Yvon et releva la tête avec inquiétude. « Est-ce qu'on craint une attaque des loups ? » murmura-t-elle. À cette question, on eût pu voir le charbonnier fermer à demi les yeux et jeter à la ronde un fugitif regard. « Les loups ! » répéta Simonet en frappant son poing sur la table. « Si j'étais seulement dans la peau de monsieur le lieutenant du roi, on ne les craindrait pas longtemps, les maudits brigands, dire qu'ils ont brûlé mon beau pressoir de Bouexy en forêt. « Voler mes vaches !» ajouta la treilleuse. « Dévaster mon chenil !» dit Yvon. « Braconner plus de gibier que n'en chasse en 3 ans notre monsieur !» s'exclama le garde. « Tuer mes poules ! Fouler mes guérets ! Briser mes espaliers !» crièrent en chœur les divers fonctionnaires de la Trémelay. La dame Gothon bourrait gravement sa pipe et ne disait rien. Pélo Rouen, le charbonnier, semblait dormir, adossé contre la paroi de la cheminée. « Oh, les maudits brigands !» reprit le chœur, au milieu duquel on distinguait la voix flûtée et suraiguë de la fille de chambre. Gothon alluma sa pipe et lança 3 redoutables bouffées. « Il y a 20 ans, murmura-t-elle, le maître de la Trémelay s'appelait Monsieur Nicolas. Ceux que vous nommez les loups étaient des agneaux, alors. C'est la misère qui a aiguisé leurs dents. » Un murmure des approbateurs suivit ces paroles. « Les Trémelles étaient de bons maîtres, » dit Simonet avec le même embarras qu'aurait un vieux courtisan parlant d'un roi déchu au sein d'une cour nouvelle. « On ne peut pas dire le contraire. Mais les loups sont des bandits. Il n'y a que vous, dame Gothon, pour prendre leur défense. » Un imperceptible sourire plissa la lèvre de Pélo Rouen. La vieille releva sa tête chenue avec dignité. « Maître Simonet, » répondit-elle, « je ne défends point les loups qui savent bien se défendre eux-mêmes. Je dis que ce sont des Bretons, voilà tout, et que certaines gens sont plus vaillants au coin du feu que sous le couvert. » Le sourire du charbonnier se renforça, et les serviteurs du château restèrent penauds sous cette accusation de couardise faite ainsi à brûle-pourpoint. « Patience, patience !» dit enfin Simonet. Il doit nous arriver de Paris un brave officier du roi pour prendre le commandement des sergents de Rennes et protéger le passage des deniers de l'impôt à travers la forêt. Ces loups damnés ont tué le dernier capitaine. « Gare au nouveau !» interrompit Dame Gothon. « On dirait que vous souhaitez un malheur !» s'écria aigrement Renée, la fille de chambre. « Mamie, » répondit Gothon avec autorité, « je suis vieille et je regrette l'ancien temps où nos dames ne prenaient point pour chambrières des mijaurées de Normandie. Laissez les Bretons répondre aux Bretons. » René devint rouge et ne parla plus. La conversation allait mourir ou changer d'objet lorsque Pellerouan, qui avait sans doute des raisons pour cela, frotta ses yeux comme un homme qui s'éveille et dit « Ai-je rêvé, maître Simonet ? N'avez-vous point dit que nous allons avoir un nouveau capitaine pour mettre à la raison les loups que le ciel confonde ?»« J'ai dit cela à mon homme, et c'est la vérité. Tant que les loups n'ont fait que piller M. de Vaunois, la cour de Paris n'y a vu point de mal. Mais les hardis brigands sont allés, comme chacun sait, jusqu'à Rennes, attaquer en plein jour l'hôtel de M. l'intendant. Ils interceptent l'impôt. Quel dommage ! Interrompit l'incorrigible Goton qui renforça son sarcastique sourire. « Voler les voleurs !»« Ce sont de fiers gueux, » dit Pellerouan avec simplicité. « Mais savez-vous quand arrive cet officier du roi dont vous parlez, maître Simonet ?»« On l'attend, mon homme. » Pellerouan se leva, prit son pichet qu'il porta à ses lèvres et dit, avec une bonhomie où la vieille Goton crut découvrir une pointe de raillerie, « À la santé du nouveau capitaine !» « À sa santé !» répondirent les serviteurs de la Tremblay. Chapitre 11. Fleurs des genêts. Pellerouan, avant de poser son pichet sur la table, ajouta pour complément de son toast « Et à la confusion du loup blanc et de ses louveteaux !»« À la bonne heure !» dit la vieille Goton lorsque chacun eut applaudi à ce souhait charitable. Pellerouan était un pauvre homme de la forêt. Il y a pour lui courage à maudire tout haut le loup blanc, qui est fort et puissant, et dont mille bras exécutent les ordres, car tout à l'heure il va prendre son bâton de houx et affronter la nuit, qui est le domaine des loups. À la bonne heure, je ne veux point de mal à Pellerouan. Merci, dame, prononça lentement le charbonnier, moi je vous veux du bien. C'était un homme étrange que ce Pellerouan. Pendant qu'il parlait ainsi, son regard fixe couvait Goton et la ligne rouge de ses paupières clignotait à la lumière du feu. Il y avait dans ce regard une gratitude plus grande que ne le méritait à coup sûr l'observation de la vieille femme de charge. Du reste, et nous devons le dire tout d'abord, la plupart des actions de cet homme étaient difficiles à expliquer. On croyait deviner chez lui parfois une marche lente et systématique vers un but mystérieux, mais on ne tardait pas à perdre sa trace, et l'espionnage le plus fin comme le plus obstiné eût été dérouté par sa conduite. Nul ne songeait d'ailleurs à l'espionner. À quoi bon l'eût-on fait ? Ses fréquentes visites à la maison de M. de Vaunois, ennemi personnel et acharné des loups, éloignait toute idée de connivence avec ces derniers, et cette connivence seule aurait pu donner quelque force à un homme si bas placé dans l'échelle sociale. Il y avait 15 ou 16 ans que Pello, Pierre, Rouen, était venu s'établir dans la forêt de Rennes. Il avait amené avec lui une petite fille au berceau qu'il appelait Marie. Solitaire d'habitude, et paraissant fuir la société de ses pareils, il s'était bâti une loge à l'endroit le plus désert de la forêt, avait creusé un four souterrain et faisait depuis lors ce qu'il fallait de charbon pour soutenir son existence et celle de sa fille. Marie avait pris la taille d'une femme. En grandissant, elle était devenue bien belle, mais elle l'ignorait. Beaucoup prétendront que ces derniers mots renferment une impossibilité flagrante. Nous soutenons néanmoins notre dire. Marie, enfant de la solitude, n'avait de hardiesse que contre le danger. La vue de l'homme la troublait et l'effrayait. Lorsque la trompe de chasse criait dans les allées, Marie faisait comme les biches, elle se cachait dans les buissons. Jamais elle ne mettait de bouquets dans un panier verni pour les porter au château, avec des pommes, des œufs et de la crème, comme cela se pratique de nos jours au Théâtre national de l'Opéra comique. Elle ne dansait ni sur la fougère, ni même sous la coudrette. En un mot, ce n'était en aucune façon une rosière de Madame de Genlis, se mirant dans le cristal des fontaines, ni une ingénue de M. Marmontel, raisonnant l'être suprême, la nature et le reste. Ces braves poètes n'ont jamais vu la campagne qu'à Courbevoie. C'était une fille de la forêt, simple, pure, demi-sauvage, mais portant en elle le germe de tout ce qui est noble, gracieux, poétique et bon. Elle aimait à prier Dieu, car une foi profonde remplissait cette âme angélique qui ne soupçonnait pas le mal. L'expression générale de son visage était un mélange d'exquise gentillesse et de sensibilité exaltée. Elle avait de grands yeux bleus, pensifs et doux, dont le sourire échauffait l'âme comme un rayon de soleil. Sa joue pâle l'encadrait d'un double flot de boucles dorées qui ondoyait à chaque mouvement de sa tête et se jouait sur ses épaules modestement couvertes. La nuance de cette chevelure eût embarrassé un peintre, parce que les couleurs dont peut disposer l'art humain sont parfois impuissantes. Cette nuance dans un tableau semblerait terne. Ses candides reflets affadiraient le regard, elle ne repousserait point assez la teinte de la peau. Mais cela prouve seulement que l'homme n'a su dérober que la moitié de la palette céleste. Chez Marie, c'était un charme de plus. Ses traits fins, mais hardiment modelés, apparaissaient suaves et comme voilés sous cette indécise auréole. Cela faisait l'effet de ce nuage mystique, aux rayons naïvement adoucis, que les peintres du Moyen-Âge donnaient pour ornement au front divin de la Mère de Dieu. Marie était sauvage comme son père. Lorsqu'elle ne restait point dans la loge, occupée à tresser des paniers de chèvrefeuilles que Pélot Rouen vendait aux foires de Saint-Aubin du Cormier, Marie errait, seule et rêveuse, dans les sentiers perdus de la forêt. Souvent le voyageur s'arrêtait pour écouter une voix pure et semblable à la voix des anges qui chantait la complainte d'Arthur de Bretagne, dont nous avons parlé dans la première partie de ce récit. Ceux qui se souvenaient du pauvre Jean Blanc songeaient à lui en entendant son refrain favori. La plupart savouraient la musique sans évoquer la mémoire de l'albinos, car bien d'autres que lui répétaient ce refrain qui berce les enfants dans toutes les loges du pays de Rennes. Du reste, on entendait toujours Marie comme on écoute le rossignol, sans la voir. Dès qu'elle apercevait un étranger, son instinct de timidité farouche la portait à fuir. On voyait le taillis s'agiter comme au passage d'un faon, puis plus rien. Marie était alerte et vive. On eût couru longtemps pour l'atteindre. Quelques-uns, cependant, l'avaient vue, et le bruit de sa beauté sans rivale s'était répandu dans le pays. On fut du temps avant de savoir son nom, car Pélot Rouen ne souffrait guère de questions, surtout lorsqu'il s'agissait de sa fille, et Marie devenait muette dès qu'un homme lui adressait la parole. À cause de cette ignorance, et par un reste de cette chevaleresque poésie qui a fleuri si longtemps sur la terre de Bretagne, on choisissait pour désigner Marie les noms des plus charmantes fleurs. Les jeunes gens de la forêt parlaient d'elle d'autant plus souvent que son existence était plus mystérieuse. À la longue, la coutume effeuilla cette guirlande de jolis sobriquets. Un seul resta qui faisait allusion à la couleur des cheveux de Marie. On l'appela Fleur Déjeuner. Pélot Rouen laissait à sa fille une liberté entière, dont celle-ci usait tout naturellement et comme on respire, sans savoir qu'il en pût être autrement. D'ailleurs, le charbonnier, quand même il l'aurait voulu, n'aurait point pu surveiller fort attentivement la jeune fille, car il faisait de longues et fréquentes absences. Le motif de ces absences était un secret, même pour Marie. Parfois, durant des semaines, le four de Pélot Rouen restait froid, mais quand il revenait, il travaillait le double et réparait le temps perdu. Personne n'était admis dans la loge. On venait chercher Pélot Rouen de temps en temps la nuit. Dans ces circonstances, ceux qui avaient besoin du charbonnier, pour des causes que nous ne saurions dire, frappaient à la porte d'une certaine façon. Pélot sortait alors, Marie, habituée à ce manège, ne prenait pas garde. Un jour, pourtant, un étranger avait franchi le seuil de la loge inhospitalière. Il soutenait les pas de Fleur Déjeuner, bien chancelante et bien effrayée, parce que des soudards de France qui venaient de Paris et allaient à Rennes l'avaient poursuivi dans les futaies. Son compagnon était un loyal jeune homme, au visage doux et bon. Il l'avait protégé. Sa première pensée fut de remercier Dieu du plus profond de son cœur, en même temps qu'elle lui adressait une fervente prière pour son sauveur. Depuis ce jour, quand Fleur Déjeuner rencontrait l'étranger, elle allait à lui sans frayeur et ils échangeaient quelques mots purs et naïfs comme l'entretien de deux enfants. Puis l'étranger partit, laissant son souvenir dans le cœur de Marie. Les gens de la forêt la rencontrèrent de nouveau dans les taillis. Elle allait lentement, la tête penchée, et chantait bien mélancoliquement la complainte d'Arthur de Bretagne. Pélot Rouen ne l'interrogeait point, parce qu'il connaissait la cause de sa tristesse. Cependant, la veillée continuait dans la cuisine du château de la Tremblay. Après avoir porté la santé qui ouvre ce chapitre, Pélot prit son bâton de houx, comme l'avait annoncé la vieille femme de charge. Mais au lieu de partir, il secoua lentement sa pipe et se planta, le dos au feu, en face de maître Simonet. « Et sait-on son nom ? » dit-il, en jouant l'indifférence. « Le nom de qui ? » « Du nouveau capitaine. »« Notre monsieur le sait peut-être, » répondit Simonet. « Au fait, ce doit être un bon serviteur du roi. C'est le principal. Il logera au château ?»« Ou chez l'intendant royal ?» Pélot Rouen sembla hésiter au moment de faire une nouvelle question. « C'est juste, » dit-il enfin. « C'est à qui recevra ce brave officier et les bons soldats de la maréchaussée ?» À ces mots, il se dirigea vers la porte. En passant auprès d'Yvon, il lui serra furtivement la main et adressa à Corentin un regard d'intelligence. « Bonsoir, maître Simonet et toute la maisonnée, » dit-il. Comme il mettait la main sur le loquet, un fort coup de marteau retentit, frappé à la porte extérieure. Pélot resta. Quelques minutes après, deux hommes, enveloppés de manteaux, furent introduits. Les larges bords de leur feutre cachaient presque entièrement leur visage. Cependant, à un mouvement que fit l'un d'eux, la lumière du foyer vint éclairer partiellement ses traits. Pélot Rouen recula à son aspect et, au lieu de sortir, il se glissa prestement dans une embrasure. Fin de la section 8.